Le moujik et le cheval. C'était pendant la guerre. On fuyait devant l'ennemi. Un moujik alla dans la prairie et dit à son cheval: Suis-moi bien vite, ou les ennemis te prendront. Je ne te suivrai pas, répondit le cheval. Je ne serai pas plus mal chez les ennemis. Il m'est indifférent de travailler pour toi ou pour eux.